Chapitre 4. Le valet de pied avait déjà ouvert la grande porte pour reconduire l'illustre visiteur à sa voiture lorsqu'une dame sortit du salon et toucha sa manche. Derrière la portière de velours frappé, à moitié tirée, une petite figure pâle guettait, moitié curieuse, moitié effrayée. « Puis-je vous dire un mot ?»« Certainement, Lady Charles. »« J'espère que je ne suis pas indiscrète. Je ne voudrais pour rien au monde dépasser les limites. »« Ma chère Lady Charles !» interrompit le Premier ministre avec une inclination et un geste de jeune homme. « Je vous prie de ne pas me répondre si je vais trop loin. Mais je sais que Lord Arthur Sibthorpe a demandé tongé. Est-ce prendre trop de liberté de vous demander quelles sont ses chances ?»« Le poste est donné. Oh !» Sur le premier plan et derrière, il y avait des figures désappointées. « Et Lord Arthur, là ?» Le Premier ministre riant lui-même de son espièglerie. « Nous venons de le décider, » continua-t-il. « Lord Arthur doit partir dans une semaine. Je suis enchanté de voir, Lady Charles, que cette nomination a votre approbation. Tanger est un endroit extrêmement intéressant. Catherine de Bragance et le colonel Kirk doivent vous venir en mémoire. Burton a écrit des choses parfaites sur l'Afrique du Nord. Je dîne à Windsor. Ainsi, je suis certain que vous m'excuserez de vous quitter. J'espère que Lord Charles ira mieux. Il est difficile qu'il soit autrement avec une semblable garde malade. Il s'inclina, salua et descendit les marches vers son coupé. Quand la voiture se mit en route, Lady Charles put voir qu'il était déjà profondément absorbé par un roman broché. Elle referma les rideaux de velours et retourna au salon.